Ne vous étonnez pas de cette instance qui est dans mes paroles. Laissez, je vous le dis, le proscrit intercéder pour le condamné. Ne dites pas, que nous veut cet étranger? Ne dites pas au banni, de quoi te mêles-tu? Ce n'est pas ton affaire. Je me mêle des choses du malheur. C'est mon droit, puisque je souffre. L'infortune a pitié de la misère. La douleur se penche sur le désespoir. D'ailleurs, cet homme et moi, n'avons-nous pas des souffrances qui se ressemblent? Ne tendons-nous pas chacun les bras à ceux qui nous échappent? Moi, banni, lui, condamné, ne nous tournons-nous pas chacun vers l'entre-lumière? Lui, vers la vie? Moi, vers la patrie? Et l'on devrait réfléchir à ceci. L'aveuglement de la créature humaine qui proscrit et qui juge est si profond. La nuit est telle sur la terre que nous sommes frappés, nous, les bannis de France, pour avoir fait notre devoir, comme cet homme est frappé pour avoir commis un crime. La justice et l'iniquité se donnent la main dans les ténèbres. Mais qu'importe. Pour moi, cet assassin n'est plus un assassin. Cet incendiaire n'est plus un incendiaire. Ce voleur n'est plus un voleur. C'est un être frémissant qui va mourir. Le malheur le fait mon frère. Je le défends. L'adversité qui nous éprouve a parfois, outre l'épreuve, des utilités imprévues, et il arrive que nos proscriptions, expliquées par les choses auxquelles elles servent, prennent des sens inattendus et consolants.